Lettre troisième, Calpurnie à Sulpici, Rome, janvier 301. Si je pouvais être fâché contre toi, je l'aurais presque été de ta lettre. Mais les choses flatteuses qui la terminent m'ont un peu radouci. Je ne te dirai donc plus rien sur toi ni ta conduite, puisqu'il paraît que tu ne veux pas m'écouter. D'ailleurs, dans ce moment, je parlerai en vain. Ta raison est sous l'empire de la passion. Tout ce que je me permets d'ajouter, c'est le souhait le plus ardent que l'illusion dans laquelle je te vois, à mon très grand chagrin, finisse avant qu'il soit trop tard pour ton repos. Je vais donc te parler de moi et de l'ami de notre maison. Comment as-tu pu me croire capable de vouloir te cacher la moindre des choses? Jamais cette idée n'est entrée dans mon âme. Je ne t'écrivis rien d'Agathoclès, parce que je ne pensais pas à lui et que tu m'occupais trop pour m'attacher à un autre objet. Tu as raison de lui donner le nom d'original et d'ajouter le titre d'aimable, mais tu n'as pas encore tout dit. Premièrement, sa figure est plus noble et plus imposante qu'elle n'est belle. En second lieu, sa manière de se vêtir est beaucoup trop simple, je dirais même négligée, et jamais il ne fera une profonde impression à côté de cet essaim de jeunes élégants dont les parfums embaument l'atmosphère. En troisième lieu, sa philosophie et sa vertu ont quelque chose de trop austère pour moi. Aussi n'est-il avec personne aussi bien qu'avec mon père. J'aimerais que tu fusses témoin lorsque ces deux républicains, ennemis jurés de la tyrannie, se laissent entraîner par le feu de leur conversation. Le contact de leurs idées anime tellement leur imagination ardente qu'ils s'exhalent en plaintes amères contre les mœurs et les usages du siècle, en vantant au plus haut degré le passé. Alors le maintien de notre ami prend une certaine teinte de fierté mêlée de grandeur. Ses yeux s'animent au point qu'ils étincellent. Son visage ordinairement pâle se colore et sa bouche, qui sourit rarement, prend un caractère si attrayant que l'on est tenté dans ces instants de douter de ses propres yeux tant il est différent de lui-même et loin d'être d'accord avec tous ses principes. Mais ce n'est qu'un éclair. Et dès qu'on a le temps de réfléchir sur ce qu'il avance, on apprécie au juste ses paroles. Du reste, je le connais très peu, car jamais il ne me parle. Je suis trop au-dessous de la perfection idéale féminine qui l'occupe sans cesse. La première impression que j'ai faite sur lui doit avoir été fort à mon désavantage. Mon père me présenta à lui dans un moment où je me trouvais assez négligemment vêtu. Un délicieux conte milésien m'était tombé entre les mains. Je l'avais lu presque en entier au lieu de m'habiller. Et je lisais encore lorsqu'il entra. Quelle différence de moi à ces respectables matrones de l'Antiquité! Quel crime à ses yeux! Comment une jeune personne aussi légère, aussi frivole, aurait-elle pu lui plaire? Quel dommage, Sulpici, que ton cœur soit engagé! C'est l'amant qu'il t'aurait fallu, et je ne te l'aurais pas envié. J'ai observé en lui quelque chose qui me ferait de la peine si je l'avais bien jugé, car malgré toutes ses singularités, c'est un homme de mérite. Il paraît avoir dans le cœur un secret chagrin. L'idée affligeante qu'il a du monde, son dégoût très prononcé pour les plaisirs et pour la jeunesse, ne peuvent être de l'essence d'un jeune homme né au sein du bonheur. Plusieurs autres de mes remarques me confirment encore dans mes conjectures. Si elles sont justes, je le répète, cela me ferait beaucoup de peine. Tâche de découvrir la vérité par Tiridate et réponds-moi avant de quitter Baie.